Pendant les Jeux olympiques, Dolbo Auto est en mode olympique avec des spéciaux dignes de la médaille d'or. Le Silverado, 0% sur 72 mois ou encore le Sierra, 98$ par semaine pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 boulevard Walberg, Dolbo Mistassini au 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et à Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. Tournoi du Centre de formation professionnelle de Dolbo Mistassini, c'est la 57e édition qui bat son plein depuis mercredi soir. Et pour en parler, on parle avec Éric Delisle. Salut Éric. Salut Danny. Éric, 57e édition, c'est déjà très très vite. Est-ce que c'est le plus vieux tournoi? Oui, hein? Ben, je penserais que oui, parce que, écoute, ça, ben, anciennement, c'était le tournoi Michel Goulet, fait que ouais. Ça fait vraiment longtemps, là, on va dire. Je n'étais pas né quand ça a commencé. OK, OK. Et il y a plusieurs équipes cette année. Est-ce que ça a été difficile de trouver des équipes au mois de février? C'est toujours un peu un stress à l'automne, là. Tu sais, ça a débuté lentement, les inscriptions, puis tout ça, puis... C'est toujours un stress parce que pas d'équipe, pas de tournoi, là. Mais ouais. Finalement, on a travaillé fort. On a fait un petit spécial aussi pour les équipes double lettre. Fait qu'on a réussi pas mal à remplir notre horaire. On a un beau tournoi. OK. Et ça vient de où, ces tournois-là? Les équipes, là, c'est... équipes? Oui, les équipes, c'est-à-dire, j'ai dit tournoi, j'ai mais c'est les équipes. Ouais. D'un peu partout. Okay. J'ai beaucoup d'équipes de la région, mais j'ai aussi des équipes comme Chibougamau, j'ai des équipes de j'ai une équipe de Laval, j'ai une équipe de Shawinigan, Beauport. Ouais, OK. Ce qui est difficile, c'est de trouver du monde, c'est de trouver dans le double lettre, hein. C'est ça qui est le plus dur, hein? Oui. Ça faisait 3 ans là, qu'il n'y avait pas de double lettre au tournoi, puis c'était un peu mon défi cette année, là, de ramener la catégorie. OK. C'est très difficile parce que les équipes, tu sais, quand il vient le temps de choisir leur tournoi, ils veulent être sûrs que, tu sais, ils vont avoir de la place. Fait que s'ils sont pas sûrs que le tournoi va avoir du 2B, ben, ils vont se revirer vers un autre endroit, là. OK, OK. Éric, dis-moi, il y avait eu des rumeurs à un moment donné que vous vouliez changer de date, mettre ça avant les fêtes. Pourquoi vous faites pas ça? Il me semble qu'au mois d'octobre, tout de suite au début de la saison, une espèce de... Ça pourrait être un tournoi concours où les équipes pourraient couper le... Il me semble que vous auriez plus d'équipes. Est-ce que je me trompe? C'est toujours embêtant à dire. Je sais que c'est ça, on en parle souvent là, de fusionner avec comme faire un tournoi midget bantam. OK. Mais le problème qu'il y a, c'est Métabetchouan, ils ont un tournoi eux autres au mois de novembre. Okay. Et on veut pas entrer en compétition nécessairement avec d'autres tournois. Fait que c'est pas facile. Là, c'est pour ça qu'on a maintenu au mois de février. C'est revu d'année en année. Là, okay. OK. Vous avez baissé aussi le prix d'inscription des équipes, hein? Je pense, entre autres, au Marco Sport. Ils sont venus cette année parce vous avez baissé le prix aussi. Hein? Oui, ben au niveau du double lettre, là, on a vraiment fait un escompte. Là, ouais. On le fait ça quasiment au prix coûtant, comme on dit. OK. Donc, ça semble avoir fonctionné parce qu'on avait 6 équipes d'inscrites. Malheureusement, il y a une équipe qui s'est désistée un peu à la dernière minute parce qu'ils ont dissous tout simplement l'équipe. OK. En tout cas, on a réussi à faire un horaire avec les 5 équipes restantes. Là. OK. Depuis le début de la semaine, comment ça va? Ça va bien. OK. On a 5 parties de jouer. Oui. On avait 2 parties mardi. OK. Mercredi. Puis 3 parties hier. Fait que on avait entre autres hier les rebelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont joué. Ça, c'est l'équipe féminine. Oui, c'est l'équipe féminine. Ben oui, ça a donné un excellent match, je vais dire. Ça a été le suspense jusqu'à la dernière minute. Malheureusement, les Aiglons l'ont remporté 4-3. OK. Ils ont fait un but dans les 2 dernières minutes de la partie. Hein. OK. Et ça a donné vraiment un beau match. Éric, parle-moi maintenant du président d'honneur. Est-ce qu'il y a un président d'honneur cette année? Oui, c'est M. Stéphane Fortin, directeur général chez Dolbo Automobile. Ah, OK. Bon, ben c'est bon ça. Oui. Puis je dois dire, il a fait un excellent travail. C'est vraiment plaisant de travailler. C'est un chic type, ça veut dire l'affaire, là, c'est vraiment, vraiment un chic type, Éric Fortin, oui, de Dolbo Auto. Oui. Ça commence à être un de mes amis, ça veut dire que c'est un chic type. Éric, donc, si on y allait, ça va jouer ces deux glaces aujourd'hui, c'est ça? Non, à partir de demain sur les deux glaces. Aujourd'hui, on débute à 12h30 dans le Midget B, le garage Roger Lavoie de Chibougamau rencontre le Marcos Pop de Saint-Félicien. OK. Ce soir, c'est notre match d'ouverture à partir de 19h30. OK. Nos castors rencontrent les Titans de la Rive-Nord. Mm. Puis après ça, on a un autre match 2B, là, les Orioles de Jonquière qui rencontrent les Cataractes de la Haute-Mauricie. OK. On devrait avoir un aréna pas mal plein ce soir. Là. OK, OK. Éric, donc on rappelle le prix d'entrée, c'est combien? Le laisser-passer, c'est 15$. Okay. Puis l'entrée simple, c'est 6$. Ouais, ben c'est pas cher pour voir du hockey, évidemment. Puis... c'est vraiment pas cher. Ouais, ouais. Puis je dois dire aussi, demain, samedi, on a un événement spécial. À la fin de notre journée, on est associé avec le mais du concessionnaire de Dolbo. Ouais, pour la game senior. La game du senior, ceux qui ont leur laissé passer du tournoi entrent gratuitement au match du senior. OK, OK. Ben, oui. Éric, j'aimerais ça t'en parler demain, si ce serait possible pour toi. Demain matin, parler du résultat, de juste donner résultat. Oui, ça pourrait être possible. OK, oui. OK, OK. Donc, on s'en reparle. Donc, voilà, donc c'est Éric Delisle qui est le président du tournoi de CFP de Dolbo-Missisquoi.